السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. ابن دير رحمه الله. D'après Abu Hurayrata radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme doit une aumône pour chacune de ses articulations, cela chaque jour où le soleil se lève. Puis nous dit sallallahu alayhi wa sallam: tu réconcilies entre deux personnes est une aumône. En aidant un homme à enfourcher sa monture ou y monter sa marchandise est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais pour te rendre à la prière rituelle est une aumône. Que tu écartes un obstacle du chemin est une aumône. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc ce hadith, et comme celui qui a précédé, nous montre la grande importance ainsi que la diversité des types de sadaqa, d'aumône. Et que les sadaqa, les aumônes, ne sont pas spécifiques à l'argent, comme cité dans le hadith précédent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, a permis à chacun de pouvoir accomplir des sadaqat, des aumônes, cela selon sa capacité. Ne serait-ce qu'avec une bonne parole, comme dans le hadith, ou bien un sourire, comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc premièrement, nous tirons de cela qu'il est important que chaque personne se rende constamment compte des portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvertes. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala peut ne pas avoir accordé à un serviteur certaines portes de bien. Donc, peut faire en sorte que certains serviteurs ne peuvent pas accomplir certaines portes de bien qu'il permet d'accomplir à d'autres serviteurs. Mais il doit se rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a aussi à lui accorder des portes de bien qu'il n'a pas accordées à autres parmi ses serviteurs. Donc, en plus de constamment avoir l'intention d'accomplir le bien, le serviteur doit constamment profiter et accourir aux portes de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées. Comme une personne, par exemple, ayant des personnes autour de lui dans le besoin, ou bien des membres de sa famille dans le besoin, et que cette personne soit dans la capacité de les aider, alors qu'ils profitent de ce bienfait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en les aidant du mieux qu'il peut, avant que ne vienne un jour où il ne sera plus capable de faire cela, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ferme cette porte de bien. Ou bien, par exemple, une personne ayant ses parents encore en vie et à ses côtés. Donc cette personne profite de cela pour accomplir le bien qu'il peut avant que cette porte de bien ne soit plus ouverte. Fahakada, les exemples sont nombreux. Donc il incombe à chacun, de manière générale, de voir les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés et de se rendre compte que les portes de bien sont multiples et qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut fermer un serviteur une porte de bien, mais il peut l'ouvrir une autre porte de bien. Donc le serviteur, au lieu de constamment regarder les portes qui ont été ouvertes à autres parmi les serviteurs, il doit voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme porte de bien à travers laquelle il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et il peut avoir des récompenses, comme le dhikr, comme le fait d'aider autrui, comme le fait de prier la nuit, comme le fait de faire des sadaqas avec l'argent pour ceux qui ont les moyens, ila akhirihi. Donc ce hadith nous montre que les portes des sadaqat sont multiples, cela comme le hadith qui a précédé, qui était le hadith numéro 25. Puis la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, l'homme doit et redevable d'une aumône pour chacune de ses articulations. Cela chaque jour où le soleil se lève. Donc c'est-à-dire qu'il est obligatoire de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque personne, chaque jour, pour le bienfait qu'Allah lui a accordé à travers chacune des articulations qu'il lui a accordées, subhanahu wa ta'ala. Et donc nous savons que les articulations de l'être humain sont nombreuses. Il a été rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Daoud et autres, qui a dit « L'être humain a en lui 360 articulations. » Mais, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les aumônes que l'être humain doit donner chaque jour pour chacune de ses articulations ne se font pas que par l'argent, mais comme dans le hadith, par différentes portes de bien. Parmi cela, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, de réconcilier entre les gens. Ta'adilu bayna thnayn. Et donc de réconcilier et d'accourir à la réforme de ce qu'il peut avoir comme conflit ou autre entre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, il n'y a aucun bien dans beaucoup de leurs conversations secrètes, excepté celui qui ordonne l'aumône ou le convenable ou une réconciliation entre les gens. Aw islahin bayna an-nas. Puis nous dit subhanahu wa ta'ala, et quiconque fait cela en recherchant l'agrément d'Allah, alors nous lui donnerons une immense récompense. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Sourate An-Nisa, verset numéro 114. Donc, cela est une énorme porte de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, Inna Allah la yudi'u ajr al-muslihin. Certes, Allah ne perd pas la récompense de ceux qui réforment, al-muslihin. Donc cela englobe ceux qui se réforment eux-mêmes, par le fait premièrement d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire et de délaisser ce qui est interdit, et ceux qui réforment les autres, entre autres le fait de réconcilier entre les gens, lorsqu'il peut se passer une chose, une querelle ou autre. Parmi ces portes de bien aussi, qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'aider autrui. وَتُعَيْنُ الرَّجُلُ Le fait que tu aides un homme à enfourcher sa monture ou bien y monter sa marchandise est une aumône. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِي مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ Et Allah est à l'aide de son serviteur tant que celui-ci est à l'aide de son frère. Et donc, quelle aide peut recevoir le serviteur qui sera meilleur que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc en plus d'avoir le mérite d'accomplir des salaqat à travers le fait d'aider son frère, le musulman obtient aussi l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cela, les bonnes paroles, al-kalimatu tayyiba, que cela soit par le dhikr, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par le tasbih, le fait de dire subhanallah, le takbir, Allahu Akbar, le tahlil, la ilaha illallah, ou l'adhkar ammatan, et les adhkar de manière générale, ou bien les bonnes paroles que le serviteur va dire aux gens, comme le fait de répandre le salam, assalam ala nas, donc qui sera en plus d'être une cause d'avoir des récompenses et des sadaqat, une des causes menant à l'amour des croyants et à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de dire des bonnes paroles à son frère, donc lorsqu'il le rencontre, le fait de l'inciter au bien à travers ses bonnes paroles, le fait de le mettre en garde, yuhadhiruhu min ash-shar, contre ce qui peut lui nuire, tout cela de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, et dit à mon Seigneur, et dit à mon serviteur, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Et le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Surat al-Isra, verset numéro 53. Donc, dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc cela fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et en plus d'avoir des récompenses et des sadaqat, est un des moyens d'être préservé du mal que Shaitan peut semer entre les croyants. Et parmi cela, parmi ces sadaqat, le fait de marcher en direction de la mosquée, en direction du lieu de prière. Donc ici, le fait de marcher vers la prière, vers la salat, en plus du fait que cela soit un acte donc obligatoire pour les hommes, kama alimna, donc c'est-à-dire le fait de prier en groupe à la mosquée, en plus de cela, le croyant obtient d'immenses récompenses chaque fois qu'il s'y rend. Car lahu li kulli khatwa, lahu li kulli khatwa sadaqa. Il obtient pour chaque pas qu'il accomplit vers la mosquée ou vers le lieu de prière une sadaqa, une aumône. Et donc parmi ce cas cité aussi le messager sallallahu alayhi wa sallam, donc imatatul adha an at-tariq wa tumitul adha an at-tariq, le fait de retirer ou d'écarter un obstacle de la route, donc une chose qui nuit, qui gêne aux gens. Et à ce sujet, il a été rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: alors qu'un homme marchait sur un chemin, il vit une branche épineuse, il l'écarta du chemin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors été reconnaissant pour cela et lui pardonna. Donc ici, on voit dans ce hadith un des mérites qu'obtient celui qui accomplit cet acte, qui est le fait d'ôter une chose qui va nuire, qui va gêner les croyants. Donc une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et donc de manière générale, que la personne accourt à repousser tout mal ou toute nuisance qui peut atteindre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière générale, le fait d'être bienfaisant avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, « وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » Et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Certes Allah aime les bienfaisants. Puis, parmi ce qu'il faut savoir, il y a que dans certaines versions du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir cité qu'il est obligatoire pour chacun d'accomplir une aumône pour chacune de ses articulations, cela chaque jour, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et cela peut être compensé par deux unités de prière faites à l'heure de l'aube, ad-duha. Donc, salat ad-duha. Donc le fait de faire les deux unités à l'heure du duha, qui se trouve après le lever du soleil jusqu'à peu avant l'heure du dhuhr. Donc le fait de faire ces deux unités de prière est un moyen d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour chacune des articulations qu'il a accordées au serviteur. Donc celui qui peut accomplir, celui qui accomplit salat ad-duha et qui en plus fait les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, aura sans aucun doute réuni du bien sur du bien. Yakunu khayr ala khayr. Et il espère par cela, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, des immenses récompenses. Puis pour finir, donc nous tirons de ce hadith qu'il est obligatoire aux serviteurs d'être reconnaissants et de remercier, et donc de sortir une aumône pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés pour chacune de ses articulations et pour le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Ni'matul badan. Ni'matul badan, donc le bienfait du corps. Et donc, ce remerciement et ces sadaqas, ces aumônes, et cette manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala est de deux types. Donc le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le corps qu'il lui a accordé se fait ou bien est divisée en deux. La première est obligatoire et l'autre, la deuxième, préférable. Le noble savant, le cheikh Saleh ibn Abdelaziz Ali Cheikh, rahimahullah, nous dit à ce sujet: et l'aumône obligatoire par laquelle la personne est préservée du péché de ne pas avoir été reconnaissant pour le bienfait du corps est qu'il n'utilise pas ses articulations dans la désobéissance à Allah. Donc, si un jour s'écoule et qu'il a été préservé dans celui-ci d'accomplir des actes interdits avec ses articulations, et qu'il a été préservé de délaisser l'accomplissement des obligations, et qu'il a utilisé ses articulations dans l'accomplissement des obligations, il se sera alors acquitté du remerciement obligatoire dans ce jour. Donc le premier type de remerciement est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui aura dans son jour, dans sa journée, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser ses membres, ses articulations pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se sera écarté avec ses membres de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, aura accompli, se sera acquitté du remerciement obligatoire, shukr al-wajib, pour ce jour-là. Puis nous dit, rahimahullah, pour nous dire, hafidhahullah, ensuite, il y a une reconnaissance préférable, donc un shukr qui est mustahab, qui est d'accomplir les aumônes préférables par les paroles, les actes et les biens, et d'accomplir les œuvres surérogatoires et les différents actes d'adoration. Donc, les aumônes sont de deux types, obligatoires et préférables. L'obligatoire est que tu utilises les membres dans l'obéissance et que tu t'écartes du haram, et si tu fais cela, tu te seras donc acquitté du remerciement obligatoire pour ces membres. Intaha kalamuhu, rahimahullah. Donc, le musulman a cours à accomplir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme acte dans ce hadith, qui sont des sadaqat qui seront à certains moments qasira, donc dont le serviteur sera lui seul à en profiter en premier lieu, comme les deux rak'at du duha, ou bien des sadaqat qui seront muta'addiya, c'est-à-dire qu'ils seront entre lui et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc leur bien, leur profit s'étalera sur d'autres créatures, comme le fait d'aider son frère, ou bien d'ôter un objet qui nuit, un obstacle du chemin, et autres. Mais il doit savoir qu'avant d'accomplir cela, ou bien qu'en plus d'accomplir cela, il doit aussi s'acquitter du choukr qui est wajib, qui est le fait de se rappeler qu'il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour chacune de ses articulations, et cela se fait par le fait de les utiliser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se rappelle, lorsqu'il délaisse un acte obligatoire, ou bien que son âme veut l'inciter à accomplir une chose qui est haram, qu'en faisant cela, il n'aura pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'il lui a accordé, le bienfait du corps et le bienfait de chacune des articulations qu'il lui a accordé, subhanahu wa ta'ala. Et il se rappelle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, dans le hadith Qudsi, Allah a dit: mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose plus aimée de moi que par ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime du serviteur qu'il fasse en premier lieu ce qu'il lui a rendu obligatoire et qu'il s'écarte des actes interdits. هذا والله أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجبر كسرنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.